You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Salut, salut! Ici Sexy Vicky en remplacement de Sexy Seb. Qui n'est pas là encore cette semaine, parce que la semaine dernière non plus, il n'était pas parmi nous. Ne vous inquiétez pas, on ne l'a pas rangé dans le garde-robe, il a juste pris une petite pause famille, le temps d'un nouvel épisode d'Horreur Gamer. Alors, ce soir, je suis en compagnie de Sexy Steven. Hey! Épouvantablement sexy, et du non moins sexy, Jean-François Tremblay! Hello! Oh, ah, sexy voice! Ça me donne des frissons. Avant ça, on aurait fait avec ça. Quoi que le t-shirt de Retour de la future à Steven me donne envie de faire « Marty, nous devons repartir !» Mais où ? Vers le passé ! Ah, il a tout chié la patente avec son « Vers le passé ». Alors, ben, ce soir, on parle de... C'est quoi le sujet, Steven ? C'est plus toi qui le sais, parce que j'avais l'impression que c'est un sujet de loup-garou. Mais maintenant que je le dis, c'est pas tant ça non plus. Non, ben en fait, au départ, je voulais faire un sujet quand l'horreur rencontre l'action. Mais là, je me suis rendu compte que nos deux films sont quand même assez similaires vu que ça raconte l'histoire de policiers avec des dons ou malédictions spéciales. Il y en a un qui c'est loup-garou et d'autres zombies. Ouais, transformation policier. Là. Ouais. Quand l'horreur rencontre le film policier, l'humour et le suspense. Quoi que l'humour dans Full Eclipse, c'est pas. Ben, elle n'est pas volontaire. Bon, exact. Elle n'est pas dans le récit, elle n'est pas, mais ouais. Bon, on en reparlera. Alors, ben, on va commencer justement avec Full Eclipse, un film de 93. On y va avec la petite madame qui crie. Et Steven va nous résumer ce film plein de lune et de loup-garous. Hey, c'est même pas Steven qui fait le résumé, c'est moi. Donc, Full Eclipse, c'est un film de 1993. Qui met en vedette Mario Van Peebles et Bruce Payne. Yeah! C'est un film pour la télé fait par HBO et qui nous prouve que HBO n'a pas toujours fait que des bonnes choses, mais on va en reparler. Je dis ça en riant, Steven. Pas peur. C'est l'histoire, en gros, d'un policier, Max Dyer, joué par Mario Van Peebles, qui au début du film, arrive quelque chose à son coéquipier. Son coéquipier se fait tirer dessus et tout ça dans une situation de prise d'otage. Mais au lieu de décéder, son coéquipier va sortir de l'hôpital, être complètement correct et avoir des facultés vraiment étranges qui donnent un peu la puce à l'oreille à Max pour lui faire croire qu'il se passe de quoi de bizarre. En même temps, Max se fait... est obligé d'aller rencontrer un de ses supérieurs qui s'appelle Adam Garou. T'as gassé le punch! Puis Adam Garou ben, va essayer de l'inviter... Il chante la bosse de Notre-Dame. Adam Garou va l'inviter à venir faire partie d'une nouvelle escouade super secrète là, qui sont un peu des justiciers de la ville à Los Angeles. Mais ils ont plus d'un secret, puis je sais pas si on veut... Ben on l'a dit dans l'intro, c'est un film de loup-garou, fait que ils ont des pouvoirs étranges et ils veulent absolument que Max fasse partie de leur gang et tout ça. Mais lui, il va résister, puis en même temps, il va rencontrer une fille, là, une femme dans le groupe dont il va s'amouracher et tout ça. Puis... fait que c'est un peu ça en gros, sans trop révéler de punch. De toute façon, on va se lancer dans les détails. Là. Steven, pourquoi ce film? Pourquoi nous avons proposé ce film? Ah, je suis tellement mélangé. Je pensais que tu allais dire on va écouter un petit extrait, on revient tout de suite après la pause. Ah, non, pas d'extrait. On veut que du vrai, que du Steven live on tape. Oh yeah! Ben, j'ai proposé Celui-là en premier pour la simple raison que c'est lui qui m'est venu en tête quand j'ai voulu faire un épisode d'action horreur. Et c'est une de mes premières VHS que j'ai acheté quand j'ai commencé à travailler dans mon petit club vidéo usagé. Usagé, mais j'ai payé comme 15$, je pense. C'était quand même cher dans le temps. Là. Et qu'est-ce qui m'avait envoûté à acheter cette VHS-là? Ben, en la fait, pochette. C'est la pochette de Mario Van Peebles avec son gun, mais aussi avec... des espèces de créatures devant la lune avec de la brume. J'étais comme, ah, OK, pourquoi pas? Et je me suis rendu compte plus tard que c'était le réalisateur de Works Work, le premier puis le deuxième. C'est comme... Des Full Moon, je pense. Non, ceux-là, je suis pas certain. Mais en tout cas, c'est quand même des films d'horreur assez populaires. J'ai bien aimé. Puis il a fait Warlock 2 aussi. Hellraiser 3 aussi, je pense. Hellraiser 3 aussi. C'est pas un grand réalisateur, mais tu sais, je le trouve sympathique dans ce qu'il fait. Et c'est ça, j'avais pas revu Full Eclipse depuis très longtemps. Fait que c'était une bonne occasion. Je dois dire aussi quelque chose, ça m'a vraiment surpris. C'est quand même le fils de Richard Matheson qui a écrit ça. C'est Richard Christian Matheson. Ah ouais? Richard Matheson a écrit, tu sais, Je suis une légende, tout ça, là, mm-hmm. des années 50, pas L'homme invisible, c'était un de mes films préférés quand j'étais jeune. L'homme qui rétrécit. Il a écrit plein de trucs. En tout cas, il a fait... Allez chercher sur Google Richard Matheson, vous allez trouver. Mais ça, c'est son fils. Il a fait beaucoup, pas mal d'œuvres connues. Oui. Fait que oui. Son fils a peut-être voulu avoir la même carrière que lui, on ne sait pas. Mm-hmm. Ah, Full Eclipse. Fait qu'il y a de la nostalgie. Il y a de l'amour nostalgique là, dans ton choix. Là. Mais tu ne seras pas impartial totalement. Là. Oui, je suis quand même. Je vais pareil être réaliste. C'est pas un grand film. C'est pas super bon, mais tu sais, pour un TV movie, je trouve ça quand même potable. C'est fait de manière compétente, globalement. Puis, moi et Steven, on a un petit peu un man crush pour Mario Van Peebles. Ouais, faut le dire en partant. Ok, je prends des notes. Mais le réalisateur, je trouve qu'il... Je m'excuse, j'empiète sur ton affaire. Non, mais le réalisateur, je trouve qu'il aime beaucoup les gros plans. Tout le long du film, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gros plans. C'est une des choses qui m'a le plus frappé dans le film. Là. Il y a beaucoup de... Tu sais, il fait pas beaucoup de plans larges tant que ça. Des fois, il filme l'action et tu sais pas trop ce qui se passe, comme à la toute fin, quand ils sont sur une boîte au dock, tout ça. Tu sais... T'as de la misère des fois à situer les personnages, puis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, puis c'est quoi l'action qu'ils sont en train de faire avec le main ou le poing ou peu importe, parce que tu dis, mais filme donc les mains au lieu de filmer les visages, parce qu'ils filment tout le temps les visages, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, son. La meilleure scène d'action qui est réalisée du film, c'est la fusillade au début, qui est pas mal la plus claire, qui fait vraiment film d'action années 80. Ah, puis un vrai suspense, 90, là, avec ces deux gars. Quand le collègue est dans son. Son tube, son truc d'aération, ouais. J'étais comme, OK, il y a vraiment un gros suspense. Là. Moi, j'étais nerveux pour lui. Là. Ouais. Ben, moi, j'aime pareil ce film-là parce que. Est-ce que j'ai des raisons? Je sais pas, là. Mario, non, mais je trouve que c'est un. Comme Vicky dit, j'ai de la nostalgie. C'est un film que j'ai vu quand même souvent quand j'étais jeune, mais je sais que c'est pas super bon. Mais je le trouve divertissant. J'aime la première heure. J'aime tout le suspense alentour de son partenaire qui revient. Puis il y a des dons spéciaux. Puis Mario Van Peebles est comme pas trop certain de ce qui se passe. Et j'aime aussi le côté vigilante, un peu. Les flics qui veulent faire leur loi en tuant la racaille à la Charles Bronson. C'est juste qu'ils vont avoir des dons de loup-garou. Mais tu sais, loup-garou, encore là, c'est un gros mot. On a plus l'impression d'être devant une gang de Wolverine. Là. On dirait tous des Logan avec leurs griffes qui sortent de leurs mains. Fait que l'aspect loup-garou, j'avais envie vraiment de dire, là. Pourquoi aller voir les X-Men ou Logan quand t'as, oui, quand t'as Full Eclipse puis t'as Adam Garou puis ça gagne, tu sais. Tu sais, t'as bien plus de Logan là-dedans que dans les films avec Wolverine, tu sais. Mais ben, c'est ça. Je te vois marcher sur des œufs depuis tantôt, mais arrête d'avoir peur. Là. Moi j'ai eu du fun là, au bout avec ce film-là. Là. Fait qu'il n'y a pas peur de ton opinion. Ben, c'est ça. J'ai eu du fun, je l'assume. T'sais, c'est un film qui se prend quand même pas mal au sérieux, contrairement à Daddy, qu'on va venir par la suite. Et je trouve que ça marche quand même bien. Je trouve que même si l'histoire révolutionne rien, ça suit agréablement. J'aime le personnage de Max. Je trouve qu'il est fun à suivre. C'est peut-être mon crush sur Mario Van Peebles, mais je le trouve intéressant. J'ai de la misère avec Bruce Payne. Il joue tout le temps le méchant. Je trouve que c'est un acteur pas forcément terrible. T'en parlais sur Facebook, j'étais comme... Ça me dit rien pendant tout. T'as mis des photos, j'étais comme, OK, sa face me dit de quoi. Mais j'ai cherché sur IMDb après avoir vu le film. J'étais comme, je sais pas dans quoi je l'ai vu, tu sais. Peut-être Passager 57, ou ce qui fait le méchant, mais c'est probablement là que je l'ai vu avec Wesley Snipes. Un autre, New Jack City, Mario, Wesley. Bruce Payne a joué C'est pas un acteur populaire, Bruce Payne. C'est juste que j'ai un attachement spécial avec lui, avec mes amis qui ont été jeunes. On était traumatisés par sa chevelure, mais ça, c'est une autre histoire, là. En plus, c'est même pas exceptionnel dans ce film-là. Fait que, c'est même pas le film pour découvrir la chevelure. Non, c'est pas ça, juste quand c'est littéralement une gaufre là-dedans, mais je sais même pas pourquoi on commence à parler de la gaufre à Bruce Payne. C'est vraiment pas nécessaire, là. Mais en même temps, j'ai juste pas grand-chose à dire sur Éclipse Totale. Honnêtement, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. C'est vraiment une série B qu'on a vu plein de fois. Je veux dire, c'est un thriller policier avec une soupçon d'horreur qui n'est pas tant présent que ça, malgré que le sang est quand même pas si pire là pour un TV movie. Je pense qu'il y avait une version unrated puis non censurée. Le film bascule un peu plus vers l'horreur vers la fin. Je dirais que les 30 premières minutes, j'ai un petit peu moins trippé. Je trippe moins sur la finale. Je la trouve pas vraiment réussie. Ils ont essayé de faire une transformation du garou quand même avec des effets marionnettes et tout le kit, un costume, mais c'est pas super convaincant. J'étais là, ils ont-tu... Il lui a manqué un costume de loup-garou, puis tout ce qu'ils ont trouvé, c'était un costume d'ours à quelque part, là, tu sais. Puis... Ben oui, hein? De coyote, genre. Mais on dirait un gros ours noir ou quelque chose du genre. Oui. Ils ont juste rajouté des longues oreilles sur le dessus pour qu'on ait l'impression vraiment que c'est un loup-garou, là. Mais ça m'a fait rire, moi, tout le long. Je sais que Seb, il a essayé d'écouter le film. Ben, il a écouté, je pense, au complet, puis il nous a dit qu'il a détesté ça, mais ça aurait été le fun d'avoir son opinion. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun. C'est niaiseux, puis c'est pas bon en tant que tel. La musique, est lancinante, puis dolle à la mort tout le long du film. T'sais, le rythme est super lent. T'sais, t'as Mario qui est... C'est pas le meilleur acteur au monde, il faut le dire, mais il est sympathique, mais c'est vraiment pas le meilleur acteur au monde. Non, non, non. Bruce Payne non plus. Tout le monde surjoue dans ce film-là. La petite blonde est pas bonne non plus, mais t'sais, moi, j'ai eu du fun. Je sais pas, c'est l'ambiance, les décors, t'sais, c'est drôle de juste voir les Wolverines qui font pas grand-chose. Ils sont tout le temps debout, ils prennent des pauses, mais ils font rien, t'sais. Oui, tellement. Dans la brume, c'est cool, devant le feu, là, au ralenti. Tu sais, voir une scène d'action avec la gang qui vont... T'sais, ça arrive pas souvent, en tout cas, t'sais. Mais j'ai eu du fun quand même. J'étais juste dans le bon état d'esprit, mais j'ai eu du fun avec ce petit film-là. Puis ça, j'aime l'ambiance de ces films-là, début des années 90. T'sais, comme tu dis, la brume, la nuit, dans une ville, on dirait un peu... ça se passe à Los Angeles, c'est pas tout à fait la même chose, mais mettons des films de Ninja Turtle qui se passent la nuit dans ville, puis tout, toits. J'aime vraiment ce genre d'ambiance-là, de début des années 90. C'est le genre de film que j'aurais pris plaisir à l'époque à regarder quand j'avais 14-15 ans, mettons, à tard le soir, là, puis j'avais eu du fun avec ça. Mm-hmm. Puis tu regardes ça, tu y penses plus après, c'est niaiseux, mais c'est le fun pareil, tu sais. J'aime ça des années 90, là. Surtout ce film-là m'a rappelé Predator 2. Oui. Parce qu'on dit la manière qu'il représente Los Angeles dans les années 90, c'est comme la pire ville criminelle au monde. C'est atroce, là. Il y a comme des gangs à tous les coins de rue. Puis tu sais, le premier plan du film, c'est comme... Il y a des plans intéressants, par contre, des longues séquences où la caméra descend tout le long d'un immeuble, puis tu vois juste à travers les fenêtres chaque appartement. Mais tu sais, t'as pas un appartement de correct, c'est soit des drogués ou des voleurs. Tu sais, t'as vraiment comme personne de correct quasiment dans la ville. Puis c'était assez fréquent dans ces années-là, ce genre de représentation de la ville de Los Angeles. Puis je trouve ça cool. Là, ouais, mais c'est quand même assez safe qu'un petit noir peut jouer au Game Boy dans la rue, sans problème. Ouais, mais c'est parce qu'il connaît les méchants. Vous allez aller contre eux? Mais c'est lui qui fait les messages. C'est pas pareil, lui fait les messages entre les gangs. Tu sais, c'est connu, ça. C'est ça, là, il est comme... Vous avez compris ça de protégé. Ça? OK. Juste d'une petite scène de 30 secondes avec lui, vous avez compris ça? Ouais, il est protégé. En fait, je me fie sur la plupart des films que j'ai vus avec un excellent qui joue au Game Boy, là. Mais non, je me disais, c'est vraiment les années 90. T'as Mario Van Peebles, Monet, qui fait référence au fameux slogan « Just say no » contre la drogue, tu sais, du slogan des années 80. Ouais. Des années 80. T'en as un qui fait référence au Nike en disant « Just do it ». Puis t'as le Game Boy aussi, fait que ça fait très, très début des années 90. C'est très ancré dans son époque. C'est dommage parce que Je trouve que ça aurait été le fun qu'on voit plus de scènes avec leurs pouvoirs qu'ils utilisent. C'est que son partenaire commence à avoir les espèces de dons, c'est comme une longue poursuite, il saute sur les toits, le toit de l'autobus en grande hauteur, que la moto, il fonce dans le mur. T'sais, la scène est quand même cool. Et tout le restant du film, je pense qu'on a peut-être deux scènes avec la SWAT puis leur pouvoir de loup-garou Wolverine. Ouais, mais il se passe rien. Quand tu t'en vois une l'autre bord du lac, tu vois presque rien. Tu vois juste à travers les lunettes de choses. Puis... Ben c'est ça, déjà là, c'est pas super bien mis en scène, cette scène-là, mais je trouve que ça manque peut-être. Il aurait pu s'amuser à y aller plus à fond, avoir peut-être une couple de scènes plus gore, puis du monde se faire empaler par les Wolverine. Oui. C'est vraiment minime, c'est vraiment un petit TV movie, mais comme le dit GF, c'est juste le fun. Peut-être parce qu'il faut avoir vécu cette époque-là aussi pour être nostalgique de cette époque-là, puis de ces films-là. Je sais pas si un flow de 15 ans de nos jours aimerait ça, là, mais... Qu'est-ce que c'est une bonne question! Parce que moi, je suis nostalgique de cette ambiance-là, de cette époque-là, de ces petits films-là qui auraient passé genre à super écran à l'époque ou peu importe, puis j'aurais regardé... À TVA à minuit le soir. TVA à minuit le soir, tu sais. Ouais! Mais tu sais, je veux dire, c'est un condensé des 15 premières minutes de Terminator, le premier. je sais pas. Sérieux, je sais pas. Non, tu sais, j'aime les décors comme la qu'est-ce que t'as pensé du film, Vicky? Juste une seconde. L'immeuble où ce que Bruce Payne vit, j'aime le décor, j'aime le gros, l'entrée avec les... C'est super, super cool. Un peu comme dans les films des années 30-40, il y avait beaucoup des décors un peu art déco puis tout, puis c'était super immense, les pièces. Puis dans cette pièce-là, c'est immense, j'aime ça. Et, je m'excuse, oui. T'as peur parce que ça me permet de prendre une autre note. Mais c'est parce que j'embarquais pas, parce que quand je vais commencer, je pense que je vais faire un peu un long monologue. Fait que je vais laisser les gars... aller avec leurs points parce que je sens que je vais en parler longtemps. Alors je saute. D'abord, je vais dire d'emblée que je me suis amusée. Je veux vraiment être au clair, là, je me suis amusée. Ceci dit, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est wrong. Tout est wrong dans ce film-là. Il n'y a rien qui fonctionne. Okay? Tout est croche, tout est wrong. Il n'y a rien qui marche. C'est les premiers épisodes de Buffy avant que ça devienne culte. Il n'y a rien qui marche. Je veux dire, OK, en gros, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, la gang de loups-garous sont sur la grosse drogue et ils réussissent à sortir d'un explosé de char et les gars ont des trous, c'est simple. Leur costume a explosé, mais juste au niveau des pecs. Puis tous les gars, on leur voit leurs teats. Au travers. Ils ont comme explosé, mais vraiment au niveau des teats de pecs. Fait que là, les gars marchent. Et là, la gang s'en va en V parce que tu sais, quand ils marchent en V, bien sûr, hein, tout le monde marche en V quand il est ensemble avec sa gang. Hein. Là, ils se ramassent au poste de police et ils font juste « on a besoin d'un nouveau char ». Mais tu sais, habituellement, ça coupe, ça va une autre scène. Tu sais, c'est comme « ah, effet comique, cut, black, fade, on va… » Non, le policier en avant d'eux répond. Et là, il y a comme une discussion. Mais t'as une gang positionnée en V, habillé en lycra, avec des trousses et pecs, qui a une conversation fucking normale avec un policier dans un poste de police. Ça ne marche pas. C'est wrong. Ce film-là est wrong de A à Z. Tu parles des décors, GF. Il y a le moment où Garou essaie de convaincre Max de rejoindre les loups-garous. Ils vont dehors et c'est même pas un écran vert, là. C'est des rideaux. C'est une peinture de Los Angeles. C'est même un immeuble qui est tout croche, là. C'est une peinture de blocs avec des fausses lumières. Là. C'est des faux gratte-ciel. Mais c'est wrong. Ça pue le télémovie. Je dis pas que je me suis pas amusée. Mais ce film-là, tu sais, quand t'as demandé est-ce que les gens d'aujourd'hui l'aimeraient, moi, ma lecture que j'ai eue est une lecture nostalgique, est une lecture décalée, est une lecture d'un film qui ne me parle pas au présent. C'est pas un film que j'ai aimé pour son message et son texte présent. C'est pour voir le décalage. C'est pour voir what the fucking fuck qu'une gang s'en va juste tirer de la mitraillette en plein milieu de la ville pour aucune raison parce qu'ils sont en guerre de drogue. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas personne qui ferait ça, tirer juste sur des passants pour dominer le cartel de drogue. C'est totalement illogique. Ensuite de ça, les loups-garous disent « Hey, c'est pas grave, on va aller toutes les tuer dans un party. Hey, guess what? Quand tu tues le chef de la mafia, qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a juste un nouveau chef de la mafia. C'est pour ça que la police emprisonne pas toute la mafia. C'est pour ça que la police tue pas toute la mafia. Parce que quand il y a un chef, il se fait juste remplacer par son second. Et c'est pas en tuant la mafia que tu règles le problème. Ça règle genre fucking rien. » Puis, je te dis, là, je faisais juste comme « run ». Tout est wrong. Sérieux, le gars, il veut pas prendre la drogue. Il veut pas. Okay? Il veut rien savoir. Et un long discours de Blondie qui essaie de le convaincre de se droguer. Mais enlève ça par... Change la drogue de super pouvoir par de l'héroïne et tu trouves son discours fucking malsain, là. Ben oui. Puis en plus, c'est qui elle? Sérieux, c'est qui elle? Tu vois qu'elle est juste placée là pour... c'est un piège humain, cette fille-là. Elle ne sert à rien, elle est faible. Elle dit elle-même, ok, moi ça m'a tellement insulté, puis c'est pas parce que c'est pas un propos féministe, c'est juste un personnage qui se tient pas dans sa logique. Ça aurait été un gars, un nain, un noir, je m'en fous. C'est le personnage qui se tient pas dans sa logique, ok? Parce que c'est une ancienne policière qui s'est dit avoir toujours été faible et de pas avoir eu le contrôle de ses moyens, mais qui est devenue policière pour l'avoir. Mais elle a eu une home invasion, elle s'est faite envahir dans sa maison. Puis, ils ont tué son mari et elle s'est trouvée démunie. Jusque-là, ça tient, sérieux, ça tient, là. Et là, elle a voulu prendre le super-pouvoir loup-garou pour ne plus être dans cette situation-là. Mais elle ne cesse d'être dans cette situation-là. Elle ne fait absolument rien avec ce pouvoir-là. Elle ne fait qu'être encore une fois une victime. Fait que son discours de « tu prends ça pour plus être une victime », mais c'est totalement faux parce que tout ce qu'elle fait, c'est jouer la victime tout le long. T'as vraiment l'impression que c'est une sexe. Enlever les trucs de drogue, là. De loup-garou. C'est une secte qui essaie d'inclure un nouveau membre dans leur secte. Puis le nouveau membre, il veut juste rien savoir, fait qu'il force. Ouais. C'est vraiment ouais. Ça qui arrive. C'est malaisant et c'est malsain. Mais c'est malaisant et malsain parce que de mon regard d'aujourd'hui, je me dis c'est drôle. Mais à l'époque, je sais pas si j'aurais aimé ça. Je sais pas si j'aurais pas fait ça, j'y crée pas. Aujourd'hui, comme 20 ans plus tard, je fais comme ah, c'est drôle, tu sais, puis j'embarque, puis je m'amuse, je me suis vraiment amusée. Mais, puis, un point par contre qui est vraiment très vrai positif, le partenaire de Max, c'est vrai qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe avec lui. C'est vrai que longtemps j'ai fait qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé. Fait que j'ai vraiment aimé toute la situation avec lui, ça c'est vrai. Mais le reste du film, là, j'étais comme, Chris, que c'est wrong. Je veux dire, à la fin, il y a quelqu'un qui se coupe un doigt, puis même ça, ça se peut pas, la manière qu'elle a placé sa main, elle peut pas se couper le doigt de cette façon-là. Là. Tu sais, je veux dire, tout est wrong, t'en serais tout. Ah, mais toi, tu parles d'un point de vue réaliste, c'est ça que tu veux dire? Ouais, la manière qu'elle se coupe le doigt, ah. Je veux dire, la main est de même, puis elle se coupe le doigt de même, mais elle coupait de même. Fait. Mais tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a trop de lycra, il y a trop de spandex. Ils ont des casques de plastique, mais ils ont un bruit. Tu sais, là, quand tu baisses ton coffre d'auto, là, t'as un bruit de pompe, là, de suspension. Ouais. Mais ils ont ça quand ils baissent leur casque, mais il n'y a pas rien, là, c'est du plastique. Je me baisse un masque de plastique, ça ne fera pas. C'est leur casque de magnéto. Ouais, c'est mais ça. Je sais. On dirait c'est vraiment ça, des casques de magnéto. Alors, tout est inspiré des X-Men, puis ils parlent à un moment donné des X-Men. Ils disent, on dirait mon collègue agit comme un X-Men, tu sais. Non, c'est incroyable. Tu sais, je veux dire, ça se prend énormément au sérieux. Mais mm-hmm. Il marche en V, je le répète, là. C'est-à-dire, à un moment donné, je parlais tout à l'heure de Richard Christian Matheson qui a écrit, mais c'est une co-écriture. Puis j'ai checké sur IMDb, l'autre gars, Michael Reeves, qui a co-écrit le scénario, il fait juste de la BD, puis des comic books, des trucs comme ça. Il fait juste des bandes dessinées. Ça fonctionne. Ça mais fait de la logique aussi. Moi, je pense que ce film-là, je le prêterais ou même je le mettrais au bistrot en disant regardez-le, mais amusez-vous en le regardant. Tu sais, cherchez pas à embarquer tant que ça dans l'histoire, parce que comme vous dites, la bataille finale est vraiment poche parce qu'elle est filmée avec des gros plans mal placés. Tu sais, il y a un point qui rentre dans la fille, puis tu te demandes en maudit comment que un autre personnage, hey, on s'entend-tu que ce personnage-là, c'est fake dans Buffy, encore une fois. Mais tu sais, c'est comme, tous les personnages sont hyper clichés, hyper faciles. Je te dis, là, moi, je suis sûr qu'il y a une scène qui a été coupée, puis c'est un souper autour d'une grande table rectangulaire avec une bouteille de vin et plein de malaise. C'est sûr que cette scène-là a été tournée pour ce film-là. J'en suis convaincue qu'on trouve la VHS à Steven, puis il y a une scène qui ne paraît pas dans la copie d'aujourd'hui, puis c'est une scène autour d'une longue table rectangulaire avec du vin. Moi, j'imagine genre un porc au centre de la table. Tu sais, quelque chose de fucking trop complexe que personne mange. Il y a quelque chose, tu sais, ce film-là est rempli de scènes connues, mais on s'en fout parce que. Comme des beignes. Je sais ce que ça va goûter, puis j'en achète, c'est bon. C'est vraiment pas bon pour ma santé, mais on dit que c'est bon. Mais ça, c'est une boîte de beignes. Ce film est une boîte de beignes. Est-ce que vous avez vu Jason Statham, comme j'avais mentionné? Non, j'ai pas remarqué pantoute. C'est quand la fille, elle se fait harceler par les gars dans le club, puis là, t'as un des attaches qui est comme lâchez-la, puis il se fait mitrailler. Oui. C'est Jason Statham avec des cheveux. Oui. Ah, il est loin, par exemple, en plus, je veux dire, la caméra est quand même assez éloignée de lui, je l'aurais pas reconnu. C'est lui qui se fait tirer dessus, un gros plan sur sa face. C'est lui qui se fait tirer dessus? Ah oui, ok, je l'ai pas reconnu pendant tout. Je me disais, mais pauvre gars, il n'aurait pas dû se lever. Ouais. Oh, mais c'est Jason Statham, hein. Fallait qu'il... Vu qu'on est dans le bar, là, je voulais juste mentionner, Vicky, t'allais pas dire que tout est wrong. T'as-tu remarqué les haut-parleurs, les colonnes de son de... Non? Ben c'est des, oui, c'est des corps, des corps de femmes nues avec, tu sais, comme le corps, bronze, comme s'il y avait la tête dans le haut-parleur, tu sais, ils n'ont pas de tête, c'est juste des corps qui sortent des haut-parleurs, oui, des oui, corps oui, de femmes nues. Mais les femmes, c'est vraiment juste des objets dans ce film-là, tu sais, c'est juste... C'est épouvantable. Ouais. Il manque un personnage, par contre, pour être vraiment classique 90, il manque un espèce de punk hacker. C'est oui. Soit un peu punk, soit un peu hacker, il manque quelque chose, là. Tu sais qu'on va retrouver dans le film de tantôt, là, que c'est, il est interprété par l'espèce de lab freak, là, aux cheveux longs avec... Ouais. Il manque ce personnage-là, genre l'espèce de punk, ou juste quelqu'un avec les cheveux dans les airs verts, ça m'aurait suffi. Il manque ça, je trouve que ce personnage-là est absent du récit. Peut-être qu'il était autour de la grande table rectangulaire et il était coupé au montage, hein? Je sais pas! Peut-être. Faudrait écouter Making Off. Mais non, tu sais, c'est ça, je dis, tu sais, il y a beaucoup trop de boucanes, il y a des personnages épouvantables. Tu sais, je parle de Buffy, mais quand ils sont semi-loups-garous, là, ils ont crissement la face des vampires des premières années de Buffy tout aussi. Tout à fait. Alors, je te dis, ça aussi, c'est une scène qui est vraiment fortement improbable. Le dude est en pendex lycra troué. Puis on lui dit, ah, il y a quelqu'un dans une cellule qui veut te parler, puis oh, change-toi. Ouais, c'est ça. Change-toi, on peut dire, man, change-toi. C'est malaisant, là. Puis tu sais, la personnage féminin que je dis qui sent vraiment rien parce que son personnage n'est pas logique du tout, il y a une scène de viol, mais malaisante en plus avec elle, tu sais, c'est comme, elle fait juste comme, tu sais, foirer sur le plancher lentement, puis j'étais comme, mais tu sais, pourrait au moins physiquement la. Je sais pas. Je fais ça pour devenir badass. Puis être tout badass. Puis, toi, c'est dégueulasse du jus de cerveau. C'est un peu dégueu, hein? Que ce soit du jus de cerveau. Ouais, hein? Ok. C'est juste moi qui ai dédaigneuse du jus de cerveau des autres, mais garde ton jus de cerveau. Mais quand ils cherchaient dans les microfilms, je comprenais pas comment c'est arrivé à ces dates-là précises, puis ces articles-là précis. Faut que tu saches quoi chercher quand tu cherches, là. Puis. Il aurait dû chercher très longtemps avant de tomber sur ces photos-là du gars, tu sais. Et moi, ce que j'aime, c'est que la première page du journal parle de l'éclipse. Oui, c'est ça. C'est comme vraiment merci, journal, de nous parler de l'éclipse en première page. Parce que sans ça, hostie qu'on aurait été fourré. Mais c'est ça, tu sais, quand moi, dans les années 90, j'ai checké à la bibliothèque au cégep des microfilms, des trucs comme ça, puis tu sais, faut que tu saches quoi trouver, quoi chercher. Tu sais, tu regardes un journal, tu regardes toutes les pages, mais tu sais, lui, c'est. Il tombe direct sur les photos du gars, 1910, 1920, 1900. J'ai comme, ok, tu savais exactement quoi chercher. Là. Ben, il a tapé Garou. Oui, c'est vrai. En même temps, avec un nom comme ça, Garou, là. Mais hein? Il n'y avait pas toujours le même nom, le gars. Tu vois, dans toutes ses photos, c'est pas toujours le même nom. Non, je sais, j'ai checké moi et tout. Ben, j'essayais, peut-être qu'il va pogner une scène de Notre-Dame de Paris en cherchant Garou, mais non, c'est des pas. Non, mais c'est surtout tu sais, quand t'es le king des loups-garous, puis que ton nom humain se finit par Garou, c'est comme si jamais ton équipe essaie de. Quelqu'un enquête là-dessus, qui essaie de retrouver un loup-garou, puis qui croit à ça, ben t'es dans le marbre. Ouais, mais en anglais, ça veut pas dire grand-chose, Garou. C'est werewolf. Ah ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Ok, ouais, ça peut être toute la patente. Non, il est juste créatif, le gars. Mais il y a tellement des liens avec les deux films, c'est incroyable, parce que dans Dead Heat aussi, il y a un jeu de mots avec le nom du personnage principal, Roger Mortis, qui est Rigor Mortis, tu sais. Ouais. Adam Garou, tu sais. T'as plein... Puis tu sais, t'as des deux gars au début, tu sais, qui vont à une situation d'otage, une situation de trucs comme ça, tu sais. Ils sont un petit peu reckless, tous les deux, dans les deux films, tu sais. Il y a tellement de riff. Mais le début de Full Eclipse, ça fait tellement penser à du... Ça veut tellement être Lethal Weapon, « I'm too old for this ». Le gars qui est sur le bord de prendre sa retraite, il dit pas des shit, mais il dit « I'm too old for this ». Mais moi, personnellement, je pensais que écouter les deux films back-à-back, ça aurait été plus dur que ça. Quand le deuxième, j'ai commencé par Full Eclipse, j'ai écouté Delete après. Quand Delete a commencé, comme je les ai écoutés ce soir avant d'enregistrer, j'ai fait hey, « je suis pas sûre que ces deux films-là, un à la suite de l'autre, c'est une bonne idée. Finalement, dans cet ordre-là, ça marche, mais je pense que dans l'autre ordre, ça aurait pas marché. parce qu'on va en parler tantôt, Delly, qui est beaucoup plus humoristique, parce qu'elle avec humoristique, puis après ça, elle avec Full Eclipse, qui est lent, qui a beaucoup de scènes de gros plans, de scènes longues. La scène, on découvre que c'est du jus de cerveau. Elle est très longue, cette scène-là. Là. C'est des jeux de miroir totalement inutiles. Là. Puis, tu sais, le gars, on le voit dans le miroir, mais ah, par hasard, l'autre, il a regardé de côté. Tu sais, c'est comme, c'est super lent. Ben, c'est un jeu de regard, pas très concluant. Comme je le disais, la dernière demi-heure, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, traîne la patte pas mal. Tu sais, la première heure, c'est quand même bien rythmé. Tu sais, toute l'intrigue avec son partenaire, jusqu'à temps qu'il veut une balle en argent. Ensuite, Max se fait approcher pour rentrer dans le groupe. Tu sais, t'as quand même le temps de pas t'emmerder. Puis à partir de la dernière demi-heure, on dirait qu'ils savent plus trop quoi faire, comment terminer le film. Puis ça part un peu dans tous les sens. Puis ça devient un peu plate, là. Puis c'est vraiment t'as raison, puis je pense à un autre point, c'est vraiment des films de leur époque, parce que dans les deux films, le personnage principal a un capitaine de police avec une moustache, puis c'est un noir. Puis... ouais, non, mais ça, on en parle tantôt. Là, puis mais... au début... Oh, excuse-moi, vas-y, Vicky. Non, mais j'allais juste dire que, tu sais, dans les deux films, on a quand même un propos de duo de cop au départ. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je m'étais dit, si ça continue là-dedans, le premier film, puis là, t'as le deuxième film, que c'est ça, j'étais comme, OK, on a la même histoire, finalement, pas du tout. Et le premier film, Full Eclipse, je pense qu'il commence à être plus long et plus plate, entre guillemets, quand il embarque dans le garou. Parce qu'il y a rien avec. Que le mystère, c'est ça, puis le mystère est comme... Oh. Tu sais, on le connaissait, le mystère, fait que, je sais pas, j'aimais ça quand il planait, le mystère, quelqu'un que tout est réglé. Mais ouais. j'ai quand même aimé la scène en prison du gars qui est tout défiguré puis qui dit c'est ça qui arrive quand je prends plus la drogue là, tu sais, mais j'ai aimé cette petite affaire là, mais c'est vrai qu'ils font rien avec les loups-garous, en fait. Comme je disais tantôt, ils font juste être debout avec le grip sorti, puis dans Dream, c'est tout, ils prennent strike a pose, puis c'est ça. Peut-être une question de budget aussi, tu sais, ça reste un TV movie, ben, j'imagine ça, qu'ils pouvaient peut-être pas faire ce qu'ils voulaient. Peut-être qu'ils ont tout mis le budget dans la première scène d'action, puis la poursuite en moto, puis c'est tout, là, après ça, ils ont complètement fuck, on a plus rien. La poursuite en moto, hostie, ça c'est drôle, pour vrai, ça c'est drôle. Vous avez le droit de garder le silence, wouh! Là, t'es heureux de rentrer dans le mur. C'est drôle, là, ça, là. Tu sais, dès le début, tu sais que son partenaire va mourir, puisque ça commence à être le cliché de body cop movies. C'est comme, je vais prendre ma retraite, je vais marier ma femme. Puis là, t'es comme, ok, toi, il te reste 5 minutes à vivre, c'est sûr. On devrait attendre les backups. Non, on y va. OK, ça me tente pas. Mais... Il devrait se sentir mal, Mario Van Peebles, parce que c'est de sa faute, son partenaire est mort. Ben il oui, a tellement voulu y aller. Moi, ça me traversait la tête durant le film. Je me disais, pourquoi ça revient pas, cette affaire-là, que c'est lui qui est causé la mort de son collègue. J'étais content dans le film, un autre petit détail de rien, mais j'étais content de voir Dean Norris, qui est dans tous les films des années 90, mais on le connaissait pas à l'époque. C'est Hank de Breaking Bad, puis il est dans un tout petit rôle dans ce film-là. Puis, Je l'ai... Ben oui, mais c'est son collègue. C'est on le voit, on le voit jouer au pool le matin, puis on le voit à sa fête aussi. Puis tout. Ah oui. Il offre oui, un cadeau, puis il est super insistant. Ouvrez, tu vois. Ouais, cadeau. Puis il est low full bite, là. On voit même pas ce qu'il y a dedans. On voit même pas ce qu'il y a dedans. On voit juste la face à Mario, parce que le réalisateur peut juste filmer des faces, là. Il y a encore une scène de salle de bain, comme dans Rappin' avec sa blonde, Mario. Ouais, ouais. Quand il est sorti de la salle de bain, je me demandais si ça allait pas tout à coup devenir le bar de Rappin'. Oh là là. T'imagines-tu le mélange, toi? Il aurait fallu que Mario commence à rapper aussi là-dedans avec la voix de Ice-T. Oh, ça aurait été merveilleux. Ça aurait été magique. Bon, les gars, on lâche le bras de fer. Oui, okay. Puis je pense qu'on lâche Full Eclipse. Je pense qu'on a fait le tour. Déjà, t'sais, c'est moi qui conseille le film, tout motivé, mais j'avais tellement juste rien à dire. T'sais, je réécoutais le film, je suis comme, c'est juste un divertissement sans plus, c'est tout. C'est comme, je vais rien avoir à dire, c'est clair, là, à part dire que c'est cool, la fusillade ou tel truc est ridicule. T'sais. Ben, moi, je dirais, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, hein. C'est un achat de location, on l'a pas fait. On va le faire à la fin d'habitude. Et... ouais, c'est ça. Ah, mais non, c'est vraiment le faire à chaque segment. À faire de chaque film, dans oui, le fond. Oui, c'est ça, oui. Ça vous tenterait-tu de le faire? Parce bien que, sûr. Sérieux, le film est disponible sur YouTube. Et achat ou, comme toi, Jeff, là, mais ou YouTube, je trouve que c'est un divertissement qui en vaut la peine, comme entre amis. Tu sais, YouTube, là, tu peux regarder ça, tu en chum, tu mets ça parce que t'attends, fait que pendant les scènes où il se passe rien, puis quand ça explose, puis on te dit, ça a l'air, tu peux en rire. Fait que c'est un film que c'est le fun à écouter entre amis, mais écouter, là, pas dans une soirée party où on est debout, mais vraiment écouter, mais entre amis. Sérieux, YouTube, là, thanks de l'avoir mis là. Ben moi, j'ai la VHS, mais j'ai réussi à trouver le DVD dans un Chun-Li pour 3,99$. Fait que j'en ai profité à ce prix-là. Je me disais que ça valait la peine. Puis, ben, Jeff n'aura pas le choix de dire la même affaire que moi. Un DVD à 3,99$ dans un Chun-Li, ça vaut la peine. Parce que lui aussi, exact. Il l'a acheté. Tu sais, je t'allais acheter Rappin quand on a fait notre épisode du bras de fer. Puis, je pensais le regretter. Mais non, finalement, je ne regrette pas du tout. Puis, il faut l'éclipse, je ne le regrette pas tout. Un jour, je vais le réécouter, c'est sûr et certain. Tu sais, tard le soir, juste pour rire un peu. Puis, je me suis pas emmerdé. Je comprends Seb de ne pas avoir aimé le film. Puis, un jour, peut-être qu'il va décider d'en parler au micro. Peut-être pas non plus. Mais il s'est vraiment emmerdé durant le film. Puis, je le comprends. Puis, surtout, si tu n'es pas dans le bon état d'esprit pour voir le film. Puis, tout. Ouais. Ça m'est souvent arrivé. Des films, tu sais, j'ai souvent essayé de parler au micro de films que vous autres, vous aviez tout aimé. Puis, moi, j'avais pas aimé. Puis, j'étais juste pas dans le bon état d'esprit pour les voir. Puis ça, c'est pire que bien des films que j'ai pas aimés. Là, c'est pire que Thirst, j'imagine, ou je sais pas. T'sais. Mais j'ai eu du fun. J'ai vraiment eu du fun. Puis non, je regarde pas du tout mon achat. 3,99, c'est rien pour ce film-là. C'est des peanuts, puis c'est bien correct. Là. Juste pour Mario Van Peebles, vous en avez déjà pour votre argent. Ben, je suis en train de me monter une collection là, de Mario. Là. Pour vrai, pour les auditeurs, je pense que si vous tombez dessus, moi et tout, j'ai des rabais gentils géants. Là, ils font des grosses bines des fois, puis ils pourraient tomber dessus. Là. Ça vaut la peine parce que un écoute, je ne sais pas si vous allez l'écouter 20 fois, mais je pense qu'un écoute, vous allez au moins divertir le temps de cette écoute-là. Ça pue le téléfilm, là, on va se le dire, mais ça respire les années 90. Puis tu sais, même si le film n'a pas la sensation forcément d'être un film de loup-garou, mais je veux dire, c'est cool des films de loup-garou, puis c'est un genre qui n'a pas été autant exploité. On n'a pas tant de classiques ou tant de films de loup-garou. Fait que, tu sais, celui-là, il sort un petit peu des sentiers battus de nulle part. Personne ne le connaît. Fait que, tu sais, c'est une petite découverte amusante. Là. Moi, je voudrais... si j'étais producteur de films dans les années 90, j'aurais dit, OK, moi, je veux Mario Van Peebles en loup-garou et Michael Perry dans son film Bad Moon. On fait un mash-up, on fait un combat entre les deux. Wow! Puis là, après ça, tu fais une grosse production, puis tu rajoutes Wolverine qui s'intègre là-dedans avec Hugh Jackman là, qui s'en vient faire un combat. T'as le vieux Jack Nicholson de Wolf, puis t'as plein de loups-garous partout. Là, il y a un méchant pacte de loups-garous qui s'en vient. Battle Royale, mais version loup-garou. Exact. Oh my god! Les gars, je pense qu'on fait une seule. Puis. Si vous voulez la version française, les gens qui nous écoutent, elle est juste sur YouTube, parce que sur le DVD, elle n'est pas là. Elle est sur la VHS à Steven, mais Steven ne s'en départira pas, je pense. Fait que, ben non, j'allais ma VHS. Fait que vous pouvez trouver la version française sur YouTube. Moi, je ne l'ai pas écouté en français, je ne sais pas que ça donne les voix. Mais, Ah, je l'ai écouté en anglais, moi aussi. C'est correct, en français, c'est une traduction qui a de l'allure. OK. C'est tout. M'excuse, Vicky, je coupe la parole. Non, c'est correct que ça allait dans le sens de ce qu'on allait dire. J'allais juste dire si vous aviez une chanson, les gars, pour les vidéos. Moi, je voulais suggérer... d'habitude, on avait juste une chanson. Hein? Moi, j'en ai une. Mais t'en as une, OK. Pour aller avec ce film-là. C'est Hungry Like the Wolf de Duran Duran. Duran Duran. Cool. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est vrai que c'est la toute parfaite. Vicky approve! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Oh, attends une minute, j'ai un coup de téléphone. Oui? Ah, OK, pour vrai, cool. Mario Van Peebles approuve aussi. Fait qu'on va... Ouais! Even close. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Sur cette magnifique chanson que Steven, Vicky, GF et Mario approuvent, nous allons au prochain segment avec Dead Heat, un film de 88. Et là, je laisse Steven le résumer. Oui, Dead Heat qui met en vedette Trey Williams et Joe Piscopo. Et c'est réalisé par qui? C'est Mark Goldblatt. Je pense qu'il n'a pas fait grand-chose. Ah oui, il a été monteur sur plusieurs grands films. Hein? Halloween 2, Terminator, Terminator 2, Rambo 2, Commando, Predator 2. En tout cas, le gars, il a vraiment une filmographie en termes de monteur assez impressionnante. Puis en réalisation, mais c'est quasiment son seul film. Bon. Dead Heat, ben, ça raconte l'histoire... Juste retrouver le nom des personnages. Roger Mortis et Doug Bigelow, qui sont deux typiques partenaires de flics des années 80 qui s'amusent à chanter, à s'agacer tous les deux. Ils sont à la poursuite après un gang qui se font appeler le Commando Suicidaire. Je suis pas trop certain qu'il y ait quelque chose comme ça. Parce que c'est des voleurs qui sont comme intuables. On a beau tirer un paquet de balles sur eux, ils ne veulent jamais crever. Ça prend absolument tout pour réussir à venir à bout. Et ces deux inspecteurs-là vont commencer à essayer d'enquêter sur eux pour essayer de savoir d'où c'est que ça vient. Et durant leur enquête, ça va donner qu'ils vont se faire attaquer par une espèce de gros zombie malabar. Et le personnage de Rogers Mortis va mourir, malheureusement. Et c'est là qu'ils vont faire la découverte d'une machine qui peut réanimer les morts et qui va être reliée justement à ce fameux clan-là. Et ils vont s'en servir pour ramener à la vie Roger Mortis, qui malheureusement va seulement avoir 12 heures pour essayer de régler cette enquête-là avant qu'il soit complètement décomposé. Fait que s'ensuit poursuite, animal qui attaque, gore et one-liner typique des body cop movies. Et c'est ça. Parce que dans le fond, Roger, il est pas vraiment... Il était ramené à la vie, mais il est pas vraiment vivant. Il est juste... Il est mort, il n'y a pas de... Zombie, il est en état zombie. Comme les méchants, il se décompose, ouais. Puis son état de décomposition tout le long du film est pas constant, il est pas... C'est pas stable, on veut dire, d'habitude, la stabilité, c'est d'aller de 0 à 10. Upgrade, c'est stable. Mais ça, c'est... Tu te demandes s'il y avait quelqu'un sur le plateau pour prendre des notes, pour prendre des photos de son état à chaque scène, tout, puis... parce que ça change, là, tu sais. Des fois, il est correct, des fois, il est pas correct. Des fois, il a les lèvres rouges, des fois, il y a pas de couleur. Des fois, il y a les yeux noirs, des fois pas. Ben c'est ça, puis des fois c'est crédible. Quand il y a les scènes noires, c'est crédible, moi, je trouvais. Puis après ça, il y a un bout, long bout où il n'y a rien, puis après ça, il arrive fucking décomposé comme s'il avait passé 3 semaines dans de l'eau. Genre, je suis comme, ok, non, je sais pas. Mais c'est toi qui commences la critique, fait que si tu veux. Ouais, ben, j'ai proposé le film, moi, après que Steven ait proposé le sien, je trouvais que ça fitait. Je l'ai vu il y a une dizaine, 10, 12, 15 ans, ce film-là, puis j'avais vraiment beaucoup eu de fun, puis j'avais envie de le revisiter. Puis j'ai encore eu beaucoup de fun encore avec le film. T'sais, j'aime beaucoup Treat Williams comme acteur. C'est pas le plus grand acteur au monde, mais je l'aime. Je le connais dans d'autres films, particulièrement dans Hair de Milos Forman, qui est une comédie musicale. Mais c'est un gars que j'aime beaucoup. Puis il y a Vincent Price aussi dans ce film-là que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Mais il y a un petit rôle aussi. Puis tu sais, Joe Piscopo, en fait, je le connais pas autre que dans ce film-là, mais ce personnage-là me fait rire. Il est drôle. Le gars, il est charmant, même si c'est un gros... C'est une grosse brute avec des muscles puis une petite cervelle grosse comme une pinotte, mais on s'en calisse, il est le fun, il est sympathique, puis j'ai envie de l'avoir comme meilleur ami. Puis vers la fin du film, il disparaît pendant un bout de temps, puis je m'ennuie un petit peu de lui, tu sais. Je suis comme, mais je m'ennuie du personnage, je m'ennuie de leur interaction, tu sais. Parce que juste Treat Williams tout seul dans ce film-là, ça serait pas aussi le fun, tu sais. Ça prend les deux, c'est comme Murtaugh puis Riggs dans Lethal Weapon, ça prend les deux. Fait que, il y a vraiment une chimie qui fonctionne à fond dans ce film-là. Je trouve que les effets spéciaux, en général, sont vraiment bien faits. La créature, le gros bonhomme qui s'attaque à Doug, cool. Son visage est comme dédoublé. Il est comme... C'est un visage bizarre, puis il est vraiment bien fait, je trouve. Puis il y a des... Il y a un personnage féminin à un moment donné qui se fait comme tout se décrisser, se décomposer, tout dégouliner à terre, puis tout. Puis c'est vraiment bien fait, je trouve, ce passe-là. À part une petite affaire quand... la tête de mort parle, mais en tout cas, ça c'est ridicule, ouais. le crâne parle. Mais c'est sinon, minime, ça paraît pas tant que ça, c'est pas si pire. Non, mais c'est juste pas logique, c'est ridicule, il n'y a plus de cordes vocales, plus rien. Mais sinon, les effets spéciaux. Les effets spéciaux en général sont bien faits. J'aime. Tu sais, c'est pas un grand film, c'est pas un grand classique, mais c'est le fun. Je trouve. Tu sais, je disais à Steven, c'est le film que j'aurais aimé que RIPD en 2011-2012, j'aurais aimé ça que ce soit ça, tu sais. Mais c'était pas ça pendant tout. Je m'attendais que ce soit quelque chose de genre, mais c'était pas ça. Tu sais, Dead Heat, c'est. 100 fois meilleur. Il y a une magie là-dedans, il y a une chimie dans tout ce qui se passe là-dedans qui est dur à reproduire. Tu sais, c'est l'éclair qui est tombé à bonne place au bon moment. Tu sais. C'est pas un grand film, comme je dis, il y a des films bien meilleurs que ça, mais ça reste que c'est très divertissant, très le fun. On peut faire le tour de tout le film, là, plein point par point. Là, j'ai-tu des scènes préférées, je sais pas. Là, je pense à plein d'affaires. Mais tu sais, tantôt, je parlais du gars de Full Eclipse qui faisait des gros plans, puis il focusait tout le temps sur ses gros plans, puis qu'on voyait rien. Il y a un petit détail dans le film tout à l'heure que j'ai remarqué dans Dead Heat. T'as Doug, le personnage de Doug, qui est en train de battre un gars sur le bord de la piscine, en train de donner des coups de poing dans les couilles, mais on voit pas ce qui se passe, on voit pas ses poings touchés au gars, on voit juste les visages, tu sais, puis j'étais comme, mais je veux voir un peu ce qu'il fait, parce qu'à un moment donné, il fait comme une face, il est comme arrêté de taper, il fait une face, oups, quelque chose de genre, tu sais, je comme, mais qu'est-ce que... C'est-tu parce qu'il se rend compte que ça fait pas mal à l'autre monstre, ou bien c'est parce qu'il a-tu passé son doigt dans la chair, ou je sais pas, sa main dans la chair, je sais pas, tu sais. C'était des détails, mais si le gars c'est un monteur, en plus, je pense qu'il aurait dû faire juste un plan là, pour le montrer qu'est-ce qui se passait, tu sais, avec les points, tu sais. C'est un détail. Juste le voir, non, mais il aurait pu voir, effectivement, si le gars c'est un monteur pro, il aurait pu voir ce détail-là qui cloche. Ouais. Ceci, je pense pas qu'il y a des trucs qui clochent niveau réalisation. Mais hey, pour une très, très, très rare fois, là, c'est moi qui n'ai pas d'opinion. J'ai vraiment juste pas d'opinion. C'est bon. C'est rare, là, mais c'est bon. Mais je sais pas. Peut-être parce que ça fait à peu près une heure que je l'ai fini, puis qu'on dirait que j'ai pas eu le temps de le digérer encore. Je le sais pas. Ouais, ça se peut. Je le sais vraiment pas, pour vrai. Autant que toutes les choses que j'adore me tombent sur une heure en même temps. Fait que je le sais vraiment pas, pour vrai. Tu sais, je me demande, moi, je vais spoiler un peu le film parce que c'est des vieux films, puis tu sais, je pense que la plupart des gens les ont vus probablement, là. Non, tu veux pas? Je suis pas d'accord parce que c'est des vieux films qu'il faut spoiler, il faut faire attention. Non, je sais bien, mais... OK, ben, skipper 2 minutes, là. Mais moi, je connaissais même pas l'existence de ce film-là. Mais, il est pas, ouais, c'est ça, il y a un petit suivi culte, mais il est pas tant connu tant qu'à moi, là. OK. Mais c'est ça, tu sais, à la fin, je comprends pas pourquoi est-ce que Roger ne... Ressaye pas, lui, de passer sous la machine pour se régénérer, mettons, à avoir une... Tu sais, je veux dire, il peut-tu... Parce que le vieux, c'est ce qu'il a fait un peu, Vincent Price. Il est passé dans la machine, puis il est beaucoup mieux que quand il était mourant sur son lit, là, dans la vidéo, ouais. Je pense. Est-ce que Roger, il serait passé dans la machine une deuxième fois? Est-ce qu'il aurait été mieux? Est-ce qu'il aurait été comme Doug? Ben, la machine est brisée, de toute façon. Non, mais c'est eux autres qui l'ont... Ouais. Elle était brisée avant qu'il tire dessus, ouais, c'est vrai. Il voulait juste pas que ça continue dans le fond que le vieux... Non, ça, je comprends leur intention, mais... Ouais, t'as raison, dans le fond, elle est brisée avant qu'il tire dessus. Ouais. Mais moi, de toute façon, j'ai pas trop compris la fin, mais je suis en train de faire du bacon. Ben, j'ai vu qu'il partait vers la lumière, fait, je savais pas si c'était symbolique ou qu'il faisait juste quitter la pièce. Ok. Bon, ils font juste quitter la pièce, là, mais. Ok. Ça peut être symbolique en même temps, là. Je vais dans une autre affaire complètement. Ça m'a tellement fait rire quand les deux femmes se rencontrent, quand Ouais. Astique, c'est drôle, dans la morgue, là, vous travaillez ici? Comme si c'était une femme qui travaille ici? Ben oui, mais t'es une femme, toi, ici, pourquoi tu réagis de même, tu sais? Puis les deux saillissent tout de suite, à premier regard, ils saillissent, là, tu sais. C'est comme ouais. Le scénariste, tu vois que c'est un homme qui a décidé de... j'ai deux femmes ensemble, c'est sûr qu'ils vont saillir, là, ils peuvent pas s'entendre, tu sais. Pourtant, tu sais, la blonde avec qui ils sont tout le long du film, c'est pas dit clairement qu'elle est amoureuse d'un ou l'autre. Là. C'est pas obligé qu'elle soit amoureuse de Roger. T'sais, Roger, il y a déjà une blonde. Puis pourquoi les deux femmes seraient compétitrices? Oh, comme... ouais, mais non. C'est la compétition naturelle. Parce que, encore une fois, c'est une scène que j'ai adoré et haï à la fois. J'ai adoré une des phrases, j'en haï une autre. Mais c'est parce qu'elle dit, je me souviens pas des mots, c'est what an achievement, peut-être, je sais pas trop. Ouais. Mais tu sais, elle fait comme. Tu travailles ici, ben ouais, je suis docteur, je sais pas quoi. Puis elle fait, ben bravo! Ouais, c'est tellement si minin comme réaction de je me sens en compétition, puis fuck, c'est de la compétition. Parce que, tu sais, souvent, les filles, en compétition, on se compare énormément, puis on essaie de trouver la faille qui fait que moi, je suis meilleure que l'autre. Peu importe ce que c'est. Puis là, c'est comme, elle aurait aimé ça qu'elle fasse comme, ben non, tu sais, je suis stagiaire, maintenant. Ouais, c'est ça. Mais c'est genre, non, je suis docteur. Là, comme, ben bravo, parce qu'elle a pas d'autres répliques à donner, parce que, ah, si, elle a gagné, genre. Fait que, tu sais, c'est comme un, elle a gagné. Fait que ça, j'ai vraiment aimé, puis en même temps, j'étais comme, mais pourquoi tu me donnes ça? Mais en même temps, c'est drôle que tu me donnes ça. Fait que, un moment, amour, haine. Je sais même pas si le scénariste s'est posé tant de questions que ça, ben, c'est juste dit, ça va être deux femmes, puis ils vont saillir, tu sais. Ouais, mais le ben bravo, il est vraiment plat, bien placé. Oh, oui, oui, il est bien placé. T'as la femme, la femme docteur, justement, celle qui travaille à la mort, qui dit à Roger, elle dit, ouais, c'est où que tu as trouvé cette charmante jeune femme, cette charmante amie-là, tu sais, c'est où que tu l'as déniché, tu sais. Eh, hey, bitch aussi. Ils sont tous deux bitches. Ah oui! Mais deux, là, ils sont en compétition solide parce que là, t'as Doug qui fait comme, hey, ça fait longtemps que ça n'avait pas été chaud par ici! Oui. Comme, et lui, tout le sens, ben, cette scène-là, ça a surtout à donner la réplique à Doug, j'imagine aussi. Là. C'est pour le côté humoristique. Là. C'est vraiment un autre film aussi où les femmes sont objectifiées moins que dans Full Eclipse, mais quand même, tu sais. Tu sais, t'as le gars, le réceptionniste, qui check son penthouse, là, puis qui bouge pas pendant tout le zombie, là, tu sais. J'ai adoré la réplique à Doug, là. Excuse-moi d'interrompre ton érection, mais... C'est ça, exactement. Tu sais, moi, je pense pas que... c'est... Oui, les femmes sont objectifiées, mais je pense pas que c'est un critère négatif dans le sens où c'est un film de son temps aussi, tu sais. Bon, c'est ça, c'est typique des années 80. Exactement, tu sais, c'est ça. Ouais. Dès que les deux femmes... Dès qu'on rencontre les deux femmes, dans les deux cas... T'as un plan sur leur corps, sur leurs jambes ou quelque chose, ou sur leur visage. La caméra est arrêtée là pendant 2-3 secondes, le temps qu'on prenne notre souffle en tant qu'homme. Là, fait waouh, sont super. Tu sais, faut qu'on comprenne que les personnages mâles sont attirés vers elle. Tu sais. C'est ça, exactement. Mais tu sais, je pense que ça, c'est juste un symptôme de, oh oui, de la réalisation de ce temps-là. Puis encore là, tu sais, ça fait le charme du film parce que c'est pas. Tu sais, comme je te dis dans Full Eclipse, la scène de viol m'a mis mal à l'aise parce que oui, ça va être de son temps. Je trouvais qu'elle n'était pas assez claire. C'est comme, on aurait dit qu'il aurait voulu posséder sans violer. On aurait dit qu'il voulait que le spectateur fasse « Ah, mais finalement, c'est donné à lui alors que c'est clairement un viol. » Ça, ça m'a mis mal à l'aise. Les deux filles là-dedans m'ont pas mis mal à l'aise parce que c'est des filles de leur temps. Là. Je veux dire, à l'entrée, elle a des portraits d'elle. Oui, elle a quand même des oui. portraits de elle à l'entrée. Là. Je veux dire, c'est tellement narcissique. T'as Doug qui rentre dans l'appartement qui dit nice place, nice appartement. Moi, je regarde la plage comme ouais, nice si t'aimes les divans avec des motifs de zèbre, là, des trucs comme ça. Mais elle a des portraits d'elle. Elle a des portraits d'elle, ouais, c'est ce que j'ai remarqué. C'est vraiment marrant. Fait que, ça, c'est symptomatique de son temps, mais c'est des beaux personnages. C'est c'est le fun, c'est vraiment le fun comme film. T'sais. Ouais. C'est pas profond, rien, là, mais c'est le fun. Tu passes une heure et vingt, 1h25 à avoir du fun. T'sais. Ouais. Non, il est pas long. Les deux films sont vraiment pas longs. Hein? L'autre est plus long un peu, c'est 97 minutes. Full Eclipse. Ouais. C'est pas si long que ça. Là, mais... ouais. Puis on encore des films qu'on fait des films plus contemporains. On s'en fait qu'on en sort en bas de 2 heures maintenant. Ouais. Pas toujours. Ah, Full Eclipse, c'est une demi-heure de plus. Ah, si ça a été des inserts de lune. J'ai l'impression que pour Seb, ça a dû durer 3 heures, là, mais Full Eclipse. J'aimerais ça l'entendre pour vrai. Hey, lâchez Full Eclipse, on n'est pas sur Full Eclipse. Là. Ben, parle. Dis quelque chose sur Daddy. Non, mais il n'a pas voulu écouter Daddy. Non, moi? Non, Seb, il n'a pas voulu écouter Daddy. Ouais, non, ça, ouais, ça, en disant, je me suis fait chier sur Full Eclipse. Mais Christy, moi et Jeff, on l'a écouté dans ce sens-là, puis ça l'a. C'était meilleur. Fait qu'il aurait été dans le même sens que nous, tu sais. Tu peux comprendre, comme j'ai dit, quand tu files pas, quand ça te tente pas, quand t'es pas dans l'esprit. Non, juste... Ben, je pense surtout que Seb filait vraiment juste pas, là, ouais. Parce que pour dire que Leprechaun de Origin, c'est du même calibre que Full Eclipse, parce que Seb, il devait pas être là, c'est vraiment pas le même calibre. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié cette conversation-là. Mais Steven, on te donne-tu la parole? Tu voulais oui, bien sûr, ben moi, je suis pas fan, puis je dois avouer que je me suis fait chier devant Daddy. Non, c'est pas vrai. Je vois la face de Jeff, c'est quand même fou de ma gueule, ouais, toi. Ouais. Oh putain. T'aimes trop les body cop movies. J'aime trop les body cop movies, pis ça, ça en est tellement un. Je veux dire, dès la scène d'intro, t'as comme le gros vol de bijoux full intense, pis après t'as un plan sur les deux body cop. T'sais, c'est comme le premier plan qu'on va découvrir nos personnages principaux. T'as juste un gros plan sur Doug qui fait une grosse face en train de danser à côté de rigor mortis. Puis en mangeant un déjà hot dog. Là, en mangeant un deuil, un estique de gros hot dog. Déjà là, t'es comme... Ils sont déjà le fun, les personnages. Déjà envie d'être amis avec eux. Surtout Doug. On dirait que c'est Ernest avec des muscles. Il y a les mêmes gimmicks des fois qu'Ernest avec sa bouche. C'est fou. J'étais vraiment m'enlever de ça. Mais c'est surtout que Deadeat, c'est une petite série B sans prétention. C'est un body cop movie que tout ce qu'il veut, c'est divertir. Ça n'a pas de message. Ça n'a rien. T'sais, c'est juste du cinéma. Du cinéma, tu t'amuses. Quand t'es jeune, c'est le genre de film que t'écoutes 30 fois. Là. T'sais, t'es malade. Tu dis, je vais mettre Deadeat. Fun, ça fait du bien. L'histoire est facile, est agréable à suivre. Et les effets spéciaux, comme dit Jean-François, sont vraiment cool. J'en aurais pris un peu plus. Je trouve que ça manque de scènes de zombies ou justement la progression de la transformation de rigor mortis. Mais en même temps, tu sais, c'est Steven Johnson qui s'occupe des effets spéciaux. Puis le gars, il est vraiment talentueux. C'est pour ça que ceux qu'on voit dans le film sont cool. T'sais, il a travaillé sur The Fog, The Carpenter, The Loup-Garou de Londres, Vidéodrome, Night of the Demon. Il a vraiment travaillé sur des gros classiques. Mais je crois que c'est une question de manque de temps et de budget qui lui a pas permis justement d'aller plus loin dans les folies. Quoique, il y en a pareil. Jeff, t'étais là tout à l'heure. Alors, quelle scène que j'ai vraiment aimée? Come on! Il y a une scène dans le film qu'on peut pas oublier ou pas mentionner. C'est la scène dans le restaurant chinois. Cette scène-là a été écœurante. Ça te donne le goût de devenir végétarien. Là. Ouais, ça donne le goût de devenir végétarien, mais t'as comme le propriétaire qui va actionner un levier, puis lui aussi, il y a le truc pour réanimer, mais ça va réanimer tout ce qu'il y a dans son restaurant, même si c'est déjà préparé en nourriture. Les canards, le cochon, tout ça. Puis Doug et son partenaire ils vont devoir affronter ça, puis c'est une scène tellement surréaliste, c'est what the fuck, que c'est juste le fun. Puis à un moment donné, t'as le gros frigidaire qui rouvre, puis t'as vraiment le gros morceau d'agneau ou de bœuf, je suis pas certain, qui a même plus de tête qui sort et commence à aller les attaquer. C'est comme un gros délai. Puis j'aurais aimé ça que le film en ait plus de moments comme ça. Puis c'est là que je trouve que dans sa deuxième moitié, le film baisse un peu de rythme, justement, parce que le partenaire de Trey Williams n'est plus là, puis il y a un peu plus d'emphase sur l'enquête, mais après la fin revient, puis la fin c'est génial. Comment tu peux pas triper sur une scène entre Trey Williams puis un autre zombie qui se mitraille pendant 5 minutes parce qu'ils peuvent pas mourir les deux, fait qu'ils sont en train de se vider le chargeur un après l'autre. C'est hilarant, c'est tellement le fun. Puis Moi je vais revenir sur la scène d'ouverture. Parce que je pense que tout le film est dans la scène d'ouverture parce que moi, je savais pas à quoi j'aurais à faire, mais vraiment pas. Je viens de finir pour Eclipse, puis je me disais, on est encore dans le sérieux, on est dans le body cop movie, OK. Dans Full Eclipse, ils prennent beaucoup trop leur job de policier à cœur. Là. C'est vraiment mis là, comme j'étais un policier, fait que j'étais un héros à partir du moment où je décide d'être policier dans ma vie. Ah, tu es William aussi, hein, même quand il est mort. Sa blonde a dit la même chose. Même quand t'es mort, tu penses juste à être policier. Et c'est ça, fait que là, je me dis, est-ce que ça va être ça? Mais là, t'as la fin d'ouverture. Où tous les hosties de policiers se font tirer dessus. Pour vrai, là, tout le monde est en train de fucking crever. Là, le gars, il a un plan, puis il dit au capitaine, je vais prendre ton char, j'ai un plan, puis le capitaine, c'est comme, mais non, fuck you, prends pas mon char. Il est comme, mais oui, mais il y a un plan pour gagner, tout le monde est en train de mourir, puis tout ce que tu fais, c'est qu'il prend pas ton char. Là, il prend le char, fait que là, les deux, ils gagnent. Là, ben, plein de petites répliques weird. Puis là, ils vont voir l'autre chef de police, puis il est comme, là, vous avez pris le champ, vous n'aviez pas le droit, vous avez tiré des balles partout, vous avez mis la vie des gens en danger. Ouais, mais il y a à peu près 15 policiers qui sont morts. On peut-tu avoir de la peine? Puis là, il fait, vous avez pris le champ, puis là, en plus, vous avez à peu près 15 contraventions pas payées. Puis je suis comme, des contraventions pas payées? Ton corps de police est tout mort. Là, il faut que tu renouvelles au complet ta flotte de policiers, il faut que tu rentres dans l'académie pour engager des policiers de première année, parce que tout le monde est mort. Puis toi, tu penses aux amendes, au parking non payé, aux infractions non payées. Puis là, le gars, il fait comme, ouais, mais tu sais, Doug, là, il sort une craque, genre, ouais, mais tu sais, c'est pas bien grave, tu nous aimes demain. Puis là, je suis comme, mais où va ce film? Mais où va ce film? Tout le monde est mort, puis il y a personne qui s'en occupe. C'est même dans la scène même, genre, ils sont tous en train de se tirer dessus, puis tu vois bien qu'ils veulent pas mourir, les gars, l'autre bord, les braqueurs de banque. Puis tu sais, ils sont juste comme, hey, on a pour la journée, hein, il fait chaud. Tes chums sont tous en train de crever, tout le monde meurt, pis ta seule raison c'est ouais, on va en avoir pour la journée, hein, il fait chaud. What the fuck? Puis j'ai fait, ok, ce film-là, il veut que tu deviennes leur chum de gars. Tu sais, oui. Tu rembarques dans le film, tu deviens le chum de gars parce que tu t'en sortiras pas. Ça se prend pas au sérieux. C'est ça, tu t'en sortiras pas si tu comptes le nombre de victimes parce que ça finira pas. Et là, t'as la scène, genre t'as des contraventions pas payées, blablabla, puis ils s'en vont au... laboratoire. C'est pas l'hôpital, là, ou au laboratoire. Ils s'en vont au laboratoire. Et là, ils parlent, ils sont dans la merde, ils frappent le groupe, là. Scène de gun, et il tue le gardien de sécurité à l'entrée, puis sa réponse, c'est « je m'excuse ». Viens tuer un esti d'innocent qui regardait de la porno pour 15 minutes, puis « hey, je m'excuse, j'ai mal visé ». Là, t'es comme « ok, là, ben, ça, le ben, con... » Il a pas mal visé, il l'a tué parce qu'il se faisait tirer dessus. Je pense que c'est ce qu'il disait à la fille, je pense, d'avoir quasiment tiré dessus. Ok, mais même à ça, il a quand même vraiment tué, genre, comme... De même, là, c'était gratuit, c'est ça. Je pense que c'était un zombie dans ma tête, là, je pense que le... Non, ben, je veux dire, c'est l'autodéfense pareil. L'autre, il a tiré dessus. Ouais. Fait que c'est normal qu'il tire dessus. Ah, du coup, c'était gratuit quand même. Là, c'était malaisant. Ben, pas malaisant, genre, je veux pas le regarder. C'était genre, ah, c'est que ça va être nulle part. Ça va être drôle. Ça en fait penser un peu à Little Trouble in Big China, un peu. Dans, ouais, un petit peu. Dans son delivery. Dans son delivery. Ok. Il y a souvent des one-liners. Un mash-up entre ces deux films-là. Ouais, les one-liners de Doug, souvent, je trouve qu'ils font mouche. T'sais, oui, c'est cheesy, mais c'est souvent drôle. T'sais, comme la première fois qu'ils vont tirer sur les bandits au début, qui sont pas en train de mourir. Ils veulent pas crever, on est en train de vider le chargeur. À un moment donné, ils se font attaquer dans la maison par d'autres zombies. Ils tirent dessus. Ils disent hey, tu te rappelles-tu de bon vieux temps quand les guns, ça tuait le monde? À un moment donné, ils vont en tirer un autre, puis ils vont être morts avec une balle. Comme quoi? Il est mort avec une balle, c'est quoi qui se passe là? Tu t'as comme plein de petits trucs d'humour éparpillés de même qui fonctionnent. T'sais, ça rend le tout vraiment tellement le fun pis second degré. Là. Mais j'étais-tu le seul, moi, dans la scène d'ouverture, qu'il y avait un problème avec le plan à Roger de prendre le char de son boss pis d'aller conduire tout seul pis de tirer en même temps? Pis c'est comme, c'est pas ben pratique. Ben oui, ça servait à rien. Pourquoi t'as ça pas servait pris Doug avec toi pour tirer? Genre, toi, tu vas conduire pis y en a un qui tire. C'est... D'habitude, t'es supposé être deux. Ouais, mais c'est ça, parce là. Que c'est badass. Tu es Williams avec un 12 ouais, en conduisant ouais. avec son char, c'est ça galère. Mais c'est que ça, parce qu'au final, il meurt à cause d'une grenade. Oui. Oui. De qui tu parles? Ben, les deux bandits. Ah, oui. Dans la grenade. Ouais, un genre de oups, ben, oh non, je me souviens plus, comme. Ouais. C'est con. T'as la scène, après qu'il ait détruit le quartier, t'as la scène typique des body cop movies avec le capitaine qui l'engueule, puis il manquait juste la phrase « J'ai le maire qui vient m'appeler, je l'ai au cul ouais, aussi! Ouais. » Tellement! C'est vrai qu'il manquait la phrase du maire. Elle doit être dans les Tétine avec ma table, ma longue table rectangle. C'est tout, il y a un DVD au monde de toutes les Tétine, de tous les films qui sont pris. Ou même la fin, c'est tellement drôle quand... Tuer Williams veut tellement tuer le méchant, mais il vient pour le tuer, mais il se suicide. Il est comme fuck. Finalement, il se rend compte, hey, j'ai la machine à côté de moi, je peux le réanimer puis le tuer après. Fait que, il réanime juste pour le tuer. C'est tellement génial, là, j'adore ça. Puis ça fonctionne, c'est super satisfaisant. Comme en tant que spectateur, tu fais yes, le méchant il a souffert. Là, ouais. Ouais, vraiment parce que je veux quand même faire le lien parce que les deux films sont quand même dans le même épisode, mais Full Eclipse, c'est poche comment le méchant meurt les deux fois. Tu sais, je veux dire, il y a une ouais, la fin est poche. Là. C'est vraiment poche. Là, t'as une bonne fin. Comment on dit, là, t'es dedans, là, tu sais, ça te satisfait comme mort. Tandis que la première fois, j'étais comme dans Full Eclipse, j'étais comme, ah ouais, ça va être de même? Ah non! Ah, fait que ça va être de même. Ah, ça valait-tu vraiment la peine? Là, t'es comme, ça marche! Je pense que le méchant dans Full Eclipse, lui aussi, avait un man crush sur Mario, puis il a décidé de se coller après pour mourir. Lâche-moi le Mario! Ok, maintenant, faut essayer de faire juste des films avec Mario sur Horror Gamer aussi. Fait que on va voir s'il y a peut-être d'autres films d'horreur. On va juste être nos deux, Steven, à un moment donné. Il n'y a plus personne qui va vouloir participer. Comme ma démission avant même d'avoir commencé! Mais non. Ça crée un vide, là. Il y avait un blanc, là. Mais non, c'est vrai que la fin était poche de Full Eclipse. C'est pas mal meilleur dans Dead Heat. Tout est meilleur dans Dead Heat. Ben, c'est juste plus. C'est plus fun. C'est ça l'affaire. C'est que l'atmosphère est plus fun vu que c'est pris au second degré. Full Eclipse, ça se prend beaucoup au sérieux. Fait, par moment, t'es comme, ok, non, je décroche. C'est la même un ville, peu. C'est Los Angeles des deux, mais c'est complètement deux ambiances différentes. T'sais, on n'est plus dans Predator 2, là. On est vraiment dans d'autres choses. Non, ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est quand même intéressant comment c'est traité, là. Mais il n'y a pas de... Comment dire? Tu sais que ça va bien finir. Oui. Ah, tu ça ça finit pas bien en tant que tel. Moi, je suis triste de la manière que c'est fini. Oui, c'est ça. Moi, tout pendant un bout, tu sais, sans dévoiler le pomme, je me demandais comment est-ce que notre héros va s'en sortir. Il est quand même face à la mort. Là. Il a les deux pieds dedans. Mais ça finit sur un beau point d'exclamation. Tandis que, tu sais, pour l'éclipse, ça finit, tu fais comme... Ah, oh, ouais. OK. Ben... Bravo! Dédé, il se termine sur un hommage à Casablanca. La dernière ouais, phrase. C'est ça. La dernière phrase, ouais. C'est un hommage à Casablanca. Ouais. J'avais hey, même pas remarqué. Le film noir et blanc dans Dédé, c'est-tu de le Faucon Maltais dans le truc Falcon? Je pourrais pas te dire. Je me demandais, mais j'étais pas sûr. Mais parce que toute la situation avec la fille, ça sonnait beaucoup film noir, on s'entend. Ouais. Et c'est Humphrey Bogart, hein, les films noirs. Ben, il en a fait deux, genre vraiment. The Big Sleep, puis Faucon Maltais, puis ça fait de même. Ouais. C'est ça, exactement, qu'on étudie gros à l'université, puis j'avais l'impression que dans la télé noir et blanc, c'était lui, mais j'étais pas sûr. Je me demandais, je vais te dire dans pas long. Ah ouais, y a-tu un site qui dit ça ou il est privé? Sur IMDb, d'habitude, ils le disent. Ok. Fais-moi pour ça, fait que Steven Jones en attendant. Ah non, ok, je me doutais que c'était ce film-là, mais c'était pas. C'est DOA, Dead on Arrival, 1950. C'est okay. Un gars qui avale du poison sans vouloir, puis qui reste 24 heures à vivre. Ils ont fait un remake avec Dennis Quaid puis Meg Ryan dans les années 80. Ça s'appelait DOA okay. aussi. OK. Il y a beaucoup de petits clins d'œil comme ça dans le film que le réalisateur est éparpillé un peu partout. C'est cool, ça. Ouais, mais tu vois que c'est un réalisateur de cinéma. Oui, c'est ça. Le Vincent film, Price. T'as Vincent Price dans ton film, tu sais. Puis il aurait pu être encore plus méchant, mais il est le fun quand même à voir. Il était vieux, il commençait fatigué un peu, je pense. Là, il approchait d'Edouard Romain d'Argent, puis il allait mourir bientôt. Là, fait que... Mais sa dernière phrase, avec de l'écho, comme dans ses vieux films d'horreur, là, ça finit vraiment ouais. avec un gros écho. Là. Ouais. Ça, c'est cool. J'aime sa voix, j'aime sa diction, j'aime le voir jouer. T'sais, tu vois qu'il était quand même dedans là, encore. Là. Ouais. En fait, J'aime son entrée, excuse-moi, mais j'aime son entrée. Oui. Ouais. Son entrée était patente. Il est tellement élégant. Allô! C'est comme, prenez les iPhones, fuck Siri, puis mettez la voix de Vincent Price. Oh. C'est comme écœurant, on va parler avec tout le temps. Là. Wow, on va à Shark Tank avec ça, c'est tellement une bonne idée. Là. Non, la voix, de Vincent Price, puis en même temps, t'aurais une image pour avoir un visage pour t'identifier, puis c'est la face de Mario Van Peebles. Fait que Mario Van Peebles va être la voix de Vincent Price. Lâchez yeah. Mario! La voix de Vincent Price sur toutes les GPS du monde. Ah ouais. Tu fais exprès d'être perdu juste pour qu'il répète, genre. C'est mieux que le meme que j'ai vu passer si, voyons, le gars de Hell's Kitchen, Gordon Ramsay, prenait les GPS. Ah, oh, ouais. Si tu t'es pété, oh, laisse t'as manqué ta sortie, tu vois, ben. Mais, as-tu fait le tour? Ben, c'est ça, j'allais demander. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais, hey, on va avoir un petit épisode, pas trop long, mais très punché. C'est tout aussi bon. Ben oui. Fait que, comme moi, les deux films. Moi, j'avais une proposition de chanson, mais elle n'a pas passé. Mais ça fait genre 2 semaines que je l'ai dans la tête. Je ne sais pas pourquoi. Mais on peut mettre les deux. Je vous envoie, auditeurs de Horror Gamer, sur YouTube, voir « Cours sur le top, mais long en arrière ». Cours sur le top, puis long en arrière. Cours sur le top, puis long en arrière. C'est une excellente chanson. Allez voir ça, mais on va y aller avec le choix de JF quand même parce qu'on on va y aller. Mais je l'aime. Cours sur le top, je l'aime. Moi et ma blonde, on a une coupe de CD des appendices, puis lui, on l'a usé à fond. C'est le premier CD, puis on l'a tellement usé là, dans le char. C'est comme quelqu'un dans un film à voir ça, puis là, je l'ai eu dans la tête. J'ai fait écouter, fait que là, pendant 2 semaines, on l'écoute. Et j'ai eu un client à la capsule qui l'avait fucking Cours sur le top et long en arrière. Et là, je l'ai texté. À la cuisinière, est sortie dans la salle, puis on s'est mis à danser tout le temps, puis long en arrière. Fait que là, je l'ai dans la salle, puis là, je vois le film avec le. Joe Biscopo. Ben ouais, il a vraiment court sur le top, puis long en arrière. Fait que j'envoie les auditeurs écouter, mais c'est parce que le vidéoclip, tout, il est nice. Fait qu'on peut le laisser en clip pour nos auditeurs. Puis, JF, ta suggestion? Oui, ben c'est ça ma suggestion, c'est la chanson thème de Dead Heat qui joue à la toute fin du film. Le film se termine, la chanson commence, je suis comme « Hey, yeah, je suis dans mon salon, j'ai envie de danser avec mes coudes de même, années 80, puis avec du linge d'aérobie pastel, là, puis Mario, puis toute la gang, tu sais. » C'est chanté par un gars qui s'appelle, je m'excuse, j'étais trop proche du micro, Phil Settle. C'est ça, c'est la chanson thème du film, donc ça s'appelle Dead Heat. Mais je veux juste revenir deux secondes sur les appendices. Allez regarder les épisodes des appendices, puis allez écouter le chanson, c'est super bon, c'est sur le site de Télé-Québec. Ah, tellement! Puis, ben, ça va être ça notre suggestion. Pour Dead Heat, allez voir les appendices. Tout qu'un lien. On ouais, c'est ça, qu'un lien partout. On part en musique. est rendu à une suggestion. Moi, j'ai suggéré les appendices. Ça n'a pas de lien, mais je trouve ça bien fun. Puis bien drôle. Fait que ça va être ça ma suggestion. Jeff, suggestion. Oui, ben un autre film d'action horreur qui est vraiment de meilleure qualité que les deux qu'on vient de nommer, selon moi. C'est From Dusk Till Dawn, La nuit la plus longue. C'était en français au Québec, ça s'appelait La nuit la plus longue, de Robert Rodriguez, co-écrit ou écrit avec écrit par Tarantino, qui le met en vedette, avec George Clooney dans un de ses premiers grands rôles au cinéma, et Juliette Lewis, Harvey Keitel, et plein d'autres mondes. Et c'est un film qui, moi, à l'époque, m'avait totalement surpris, quand tu savais pas qu'est-ce qui s'en venait, puis c'était la grosse surprise, c'est qu'en plein milieu du film, ça changeait complètement de style de film, puis tu tombais sur le cul, puis c'était tellement le fun, puis jouissif, puis drôle. Puis en même temps, il y avait une partie de moi qui disait « Ouais, mais j'aurais voulu que ça continue l'histoire qu'on était en train de suivre, mais que... » Alors, c'est pas grave, finalement, c'est pas grave, ça a cessé le bordel à la fin, puis on s'en calisse, puis c'est drôle. C'est le fun. Bon, moi, je leur ai dit durant le break que j'allais parler des lards, alors je vais parler du tien, Jeff. As-tu vu la série sur Netflix? Pas encore, non. OK. Parce que moi, c'est ça qui est arrivé, j'avais pas vu le film. J'ai commencé la série. Là, j'ai dit, hey, j'ai l'impression qu'il manque d'informations, je vais voir le film. Là, je vois le film, là, je me dis, ah, ben là, j'ai l'impression que le film va tout me spoiler la série. Fait que là, finalement, je suis stallée, genre, à peut-être 30 minutes du film, puis 3 épisodes de la série. Puis je sais pas quoi faire. Mais là, en plus, je le sais que ça change de style. Fait que là, je suis encore plus fourrée parce que je sais pas qu'est-ce que je veux savoir en premier. Écoute le film. C'est ça, faut en premier. Le film? C'est tellement bon. Oui, le film. Définitivement, c'est le film. Mais c'est parce que la série est vraiment bonne pour eux. Moi, honnêtement, j'ai été surpris par la série. J'ai écouté seulement 4 épisodes. Mais tu sais, le premier épisode de la série, c'est 45 minutes de l'intro du film. J'étais comme, mais comment ils vont faire ça? Mais je le sais, c'est pour ça que je suis fourrée. Mais honnêtement, tu peux écouter le film parce que de toute façon, la série s'en va complètement ailleurs. Puis ça ne fitera même plus dans le film. Ça n'aura plus de lien. Fait que tu peux l'écouter. Ah. OK. Fait que je vais recommencer avec le film prochainement. Merci, Steven. Puis... tu peux y aller avec ta suggestion. Oh, okay. Je vais juste rajouter, je les ai pas vus, mais je pense que Steven peut me répondre là-dessus. Mais je pense qu'il faut éviter les suites de From Dusk Till Dawn. Non. Faut pas les éviter, ils sont le fun au bout. OK. Le deuxième est réalisé par Scott Spiegel, qui a fait Intruder, qui est un grand ami de Sam Raimi. Puis, je veux dire, c'est avec Robert Patrick, un gros casting aussi. Puis ça a une vibe très Tarantino aussi. Les suites sont vraiment pas du même calibre que le premier, mais c'est des suites vraiment le fun. Celui-là, ça a rapport avec un vol de banque. Puis le troisième, ça se passe comme une genre de prequel dans le temps western mexicain. Ils retournent au bar. C'est quasiment presque un reboot, remake à la limite. Là. Mais je les déconseille pas. C'est vraiment une série le fun au complet, globalement. Là. Je les déteste pas. OK. OK. Et toi, Steven, ta suggestion? Ben évidemment, horreur, action, c'est pas le choix qui manque, mais un des premiers qui me vient tout en tête, c'est Blade 2, et je dis le 2 parce qu'à l'époque, j'avais trippé sur le premier comme tout le monde, et quand le 2 est sorti, j'avais quand même des grosses attentes, et le film a juste dépassé mes attentes. C'est réalisé par Del Toro, l'action est faite par Donnie Yen, je veux dire, tout est là, je veux dire, cette suite-là, je la trouve supérieure au premier film, j'adore tous les personnages, Ron Perlman, il est écœurant là-dedans, Wesley Snipes aussi. Les créatures vampires que leur mâchoire se trouve de côté sont tellement écœurantes, bien faites. L'action est vraiment top-notch. C'est du Del Toro qui s'éclate. Là. Il s'amuse comme un gosse avec Blade. Puis honnêtement, je trouve que c'est encore un des tops dans le genre qu'on a eu. Et c'est un film de Marvel en tant que tel. Fait que pour ceux qui disent que Deadpool a inventé ou c'est le premier film de super-héros avec du gore, non seulement il y a eu Kick-Ass avant, mais il y a aussi les Blade. Hein. Faut pas oublier, les amis, c'est pas nouveau là, les films de super-héros avec du gore puis un langage vulgaire. Je me souviens même pas du 2, je me souviens juste du premier. J'avais bien aimé le premier. Puis le 3, c'est un maudit navet. Ouais, hein? Ouais. Il y a des super vampires, c'est dans le 2 dans le 3. Le 3, c'est avec le Dracula qui semble sortir d'un film porno de garagiste. C'est avec le gars Prison Break dans le fond. Là. Je l'ai pas vu, mais j'aime les garagistes. Fait que je vous en redonne une vue bientôt. Les pornos avec les garagistes, c'est toujours les meilleurs. Ben oui. Ouais. Juste pour que les gens le sachent, mon chum, il est mécanicien de profession, il a son garage. C'est clair. Il y a un petit attachement ici, là, là. Tu devrais voir le film d'horreur Le Garagiste, tu vas aimer ça. Il y en a un pour vrai? Non, je pense pas. Mais peut-être, okay. Ça se peut. Ça serait une bonne idée. Genre, le seul film Le Garagiste que je connais, c'est un drame québécois. Puis j'étais comme, c'est sûr, c'est pas de ça qu'il parle. Donc. Bon, ben, hey, super pour les suggestions. Pour ce qui est du reste de l'émission, je ne sais pas, on est rendu où, mais terminé. Mais j'espère que les gens ont aimé parce que je trouve que notre épisode est quand même court et crissement punché. Pour vrai, là, on a réussi à mettre de la joie de vivre dans cet épisode. Merci les boys! Ben derrière, en même temps, c'est deux petits films tellement simples, je veux dire, il n'y a pas forcément grand-chose à dire, mais c'est juste le fun d'en parler parce qu'on a tellement eu de plaisir à les voir. Là. C'est des films qui sont un bon programme, dans le sens où on les a écoutés, Full Eclipse puis Dead Heat. Dans ce sens-là, pour moi, ça fait un beau programme double. Ouais, tu peux mettre ça au bistrot maintenant, puis faire une belle soirée. Vrai. Parce que j'hésitais à les écouter un peu de l'autre, puis je l'ai fait, puis parce que le temps l'oblige. Puis non, ça a vraiment coulé. Il existe tout en français, fait que c'est pratique. J'imagine Seb qui écoute l'épisode. Game de fucker, c'est de la merde, Full Eclipse. Ah non, moi je suis sûr qu'il va réécouter Full Eclipse pour vrai après nous avoir écouté. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il écoute Dead Heat, il va être curieux que de réécouter Full Eclipse. S'il a vraiment pas aimé ça, là, non. Mais en même temps, je comprends pas. En fait, il faudrait qu'il écoute Rapin, puis après ça, il écoute. C'est parce qu'il faut vraiment être dans le. Tu sais, pour aimer un film comme ça, comme Full Eclipse, il faut être dans le bon état d'esprit. T'sais. Si ça te tente vraiment pas, si t'attends quelque chose de plus sérieux, c'est sûr que non. C'est un mauvais film à la base. C'est un mauvais film. Oui, c'est ça. Les réalisateurs le savent pas, par exemple, qu'on le regarde pas pour son sérieux. Non, c'est ça. C'est ça qui est le beau de ces films-là. C'est ça qui est beau. T'sais, souvent, on parle de Nanar ou de So Bad It's Good, mais moi, je suis tannée des So Bad It's Good qui le savent. Moi, j'aime ceux qui ne le savent pas. Et ce film-là ne le sait pas. Et c'est ce que j'ai aimé. Il se prend vraiment au sérieux. Puis t'es comme, dude, ça fait aucun sens ce qui se passe présentement. Là. Réalise-le. S'il te plaît. S'il te plaît. T'es en train de boire du jus de cerveau. Parce qu'on l'a pas dit, mais elle se met du jus de cerveau sa langue. Hein. Oui. Bois du jus de cerveau. S'il te plaît. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est mais ça. Je l'ai tout le temps dit. Les So Bad It's Good volontaires, c'est pas bon. Tu te plantes parce qu'on le sait que ton film est volontaire. Je peux pas rire devant des dialogues mal écrits quand c'est volontaire. C'est pas c'est pareil. Ça. C'est ça, exactement. Moi, c'est les films qui font la promotion en disant ça va être le prochain grand film culte. C'est le prochain Rocky Horror. Le prochain. Mais non, tu peux pas le savoir. Ça se décide pas d'avance. Ouais. T'sais. Ah, t'as un bon point, là. C'est vrai, exactement. Puis tu sais, Full Eclipse, ce que ça vient, c'est que ça n'a pas des mauvais dialogues. Les dialogues sont ridicules en soi, mais ils sont pas mauvais. Ils sont pas. Tu les écoutes pas en disant, ben voyons, il y a personne qui dit ça. Ils sont pas mal mis en bouche. C'est pas des mauvais acteurs. Mais c'est que le final ne fonctionne pas, tu sais. Tu sais, il y a une différence entre faire un film dans le même mood que cette époque-là, puis faire volontairement un mauvais film, mais qui est pas le fun à regarder. T'sais, exemple, tu regardes le Greenhouse à l'époque quand c'est sorti au cinéma, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino. C'est un film qui a la formule des films Greenhouse des années 70, mais ça reste des bons films pareils avec des bons acteurs. C'est juste qu'il y a des trucs too much puis on s'amuse. Mais je veux dire, un film comme celui-là de. Je vais pas forcément mentionner Sharknado parce que je sais qu'il y a plusieurs qui ont du fun avec ça, mais la plupart des films de sci-fi qui se la jouent comme oh, on sait que c'est mauvais puis le digital est taché, fait qu'on va vraiment faire ça volontairement. Pas bon, mais ça en est juste plate. Ben, j'ai pas de plaisir à voir ça. Un qu'on a pas mal tous détruit, là, c'est le truc de Turkey, là, le truc de dingue, là, Thanksgiving. Ouais, donc, Thanksgiving. C'est pas qu'ils ont fait une série, c'est ça, ils en ont fait une série, tu sais. Puis j'étais sur Tubi l'autre fois, puis je fais comme, mais pourquoi ils sont rendus au Thanksgiving 4 ou 5 après le premier, on avait fait le tour, en fait. Ils ont vraiment le budget pour faire tous ces films-là. Il y a vraiment quelqu'un qui a comme fait « Ah, oh, je te donne 2000$ puis fais ta suite. » Mais tu parles des Grinders qui étaient réussis, tu sais, mais rendu à Machete, je pense que après une coupe de Machete, le monde était tanné. Je les ai pas vus, là, mais je pense que le monde était tanné de ça. Oui, parce que... C'était trop volontairement niaiseux, je pense. C'était trop... Trop volontairement, mais la sauce prenait moins. C'était moins cool que Grinders. Quand... En même temps, Grinders, ça n'a même pas marché. Ça a été un flop au cinéma, tu sais. Ouais, fait mais c'est ça, mais tu sais, pour Machete, moi, j'ai adoré les deux Machete. Puis le premier, je suis allée voir avec un de mes amis, on a pas les mains, on va voir le deuxième. Puis tu sais, on est comme dans le salle, mais ça donne que je suis une rangée en haut de lui, fait que je vois pas ses réactions durant le film. Puis à la fin du film, il était fâché. C'est comme, c'est la même affaire, pourquoi qu'on me sort la même recette? Le premier était bon, il était même excellent, il était drôle. Comme, ça remonte pas la même recette, j'étais comme, oh, ouais! Fait que pour vrai, il y a vraiment une masse de public que le Machete 2, ils ont fait, OK, je pense qu'on a... On a compris ce que vous voulez en venir, vous pouvez arrêter. T'sais. Mais Machete 2, il va tellement dans n'importe quoi, contrairement au premier. Tu sais, oui, le premier, il y a des scènes qui c'est complètement absurde, mais le deuxième, c'est over the top, là. Je veux dire, ça pue d'abord. Non, c'est ça, tu sais, l'absurde réaliste est quand même plus intéressant qu'un absurde over the top. Ouais, ben c'est parce que c'est pas à ça que je m'attendais forcément dans Machete 2, mais c'est aussi que Robert Rodriguez, il a plus à touch depuis plusieurs films, puis on dirait qu'il sait plus quoi faire, puis on dirait qu'il accumule les mauvais films. Fait que... Il y a une pression, hein. Il y a une pression. Pour vrai, là, moi, je la ressens pas personnellement, mais je sens que les films, les gens sont attendus avec une brique personnelle, puis ils sont comme « Ah ouais, shoot-moi ce que t'as à me donner », tu sais. Il y a une pression, puis je pense que c'est dur autant se renouveler que donner du bon stock de nos jours. Là. C'est comme Shyamalan, tu sais, ses derniers films, c'était tout le temps des flops. Le gars, il voulait prendre sa retraite. Il disait qu'il était plus capable, que ça le rendait stressé, puis il trouvait ça difficile que les gens aiment pas ses films. Tu sais, il a fait un petit film de visite, il est revenu à la base avec un petit budget, Blue Mars, tout ça, ça a marché. Puis avec Split, on dirait qu'il a retrouvé sa confiance en lui-même, il s'est laissé aller. Puis gars, le film, il top au box-office, les critiques sont bonnes. Fait que tu sais, des fois, t'as peut-être juste besoin d'un break. Tu sais, de revenir un peu à l'essence. Ça fait penser qu'on pourrait parler du prochain sujet parce que j'avais une idée. Mais Split, quoi que ça pourrait peut-être pas être notre prochain sujet parce que j'ai peut-être pas le temps d'aller le voir. Mais j'aimerais vraiment ça aller le voir. Pour vrai, celle-là, il m'intéresse. Je vais y aller aussi, je vais y aller. Oui, c'est vrai, j'en ai parlé avec Jeff avant que tu te connectes, Steven. J'avais une idée de sujet pour le prochain. Tu me diras si ça t'intéresse, les gardiennes tueuses. Oui, c'est cool. En même temps qu'on fasse pas Emily. Ah, mais c'est celle-là que j'ai vue, moi, sur Netflix. Mais ça me dérange pas qu'on en fasse deux autres. Là. Ça me dérange pas du tout. On n'avait pas dit salut, on n'a pas fini l'épisode. Je ne sais pas si vous vouliez que ça fasse partie de l'épisode, cette conversation. Oui, ça, moi, je trouve que ça fait partie de l'épisode. Ben, ça, je vais le dire quand ça. Okay, c'est bon. Tu sais, mon cœur. D'accord. Hey, c'est déjà arrivé des fois que tu as oublié et tu as continué. C'est mon épisode. D'accord. Qui a tremblé. Mais et quand je parle, je parle. I drop the crayon. ouais, c'est ça. Gardienne tueuse, ça me dérange pas, Steven, si on fait pas Emily. Pour vrai, c'est le film qui m'a inspiré. Mais je pense qu'il y a un énorme potentiel avec plusieurs autres films. Ça me dérange pas du tout d'en écouter d'autres. Et c'est pour ça que ce segment fait partie de l'épisode, parce que les gens prennent en conseiller aussi. Parce que je sais pas si j'en connais tant que ça, à part la gardienne qui se fait appeler par un stranger. Je sais pas trop si ça me tente, ça. Fait que je lancerai les gens là-dessus, sur les gardiennes tueuses, mais là, je me demande si cet épisode va paraître attendre. Ouais, il y a ça aussi comme problème. Il y a ça comme problème. Fait que, ouais, c'est ça. Mais je vais quand même... Si l'épisode apparaît à temps, ben, qu'il donne des conseils. Sinon, ben, l'autre va déjà être fait. Ben, c'est ça. Fait que je vais quand même laisser planer l'idée que c'est possible. Sinon, je suis désolée. On va avoir lu vos suggestions et on va en prendre en compte. On va peut-être poster. Steven, est-ce que tu peux poster une question sur le Facebook d'Horror Gamer? On aimerait ça faire Guardian Tours. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça te tombe dessus? Si ben oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Juste peut-être de nous arriver avec quelques suggestions, surtout que toi, si tu ne veux pas faire Emily, moi je m'en fous bien. Moi je suggère un film. Vas-y. Déjà? Ouais. The Guardian, vas-y. 1990. Okay. Un film de William Friedkin que j'ai vu quand j'étais jeune, une couple de fois. Ah oui, méchante bonne idée, je voulais la revoir. L'arbre, là. Oh, ben... Oui. Oh oui, j'ai vu ça quand j'étais jeune. C'est vrai que c'est fucking. Ça s'appelle La Nurse en français. Oui, j'ai vu ça quand j'étais jeune. Moi, tout genre, je pensais que mon père écoutait un Bleu Nuit, finalement, il écoutait ça. C'est vrai que ça a un feeling de Bleu Nuit un peu, mais c'était un film. Ça a un sirupeux, hein? Oui. Ben, hey, on se laisse ça sur la glace, les boys, puis on part avec ça pour le prochain. Oui. Puis, les absents ont tort, fait que ça va être pogné avec ce sujet-là, puis ce film-là. Super, ben, c'est là-dessus qu'on se quitte, les boys? Oui. Ouais, on fait un petit shout-out à Tommy Boy. Tommy, ben oui. Ouais. Il continue à donner, là, il mérite son chanteur, là. J'imagine que oui. Oui. OK, ouais, le site est down, mais c'est pas grave, c'est rétroactif. On va aller plus dans tes poches, mon Tommy. Seb doit être au courant. Ouais. Fait que, ben, merci à tous et gardez ça horreur.